Ton nom de jeune fille, c'est Coatalem. Coatalem, Marie Coatalem. Oui. Et tu es née? Le 30 novembre 1936. D'accord. Et tu es née où ça? Tu es À née Briec, ici. à Ici Briec. même. On a couché à la maison, même à ce moment-là, Tac. Ouais. ouais. Oui.